Le porte-parole du Comité central de l'Union démocratique des femmes de Corée a lancé le 9 un entretien. Voici le résumé. Comme le monde le sait, la bande Park Geun-hye qui avait enlevé en plein jour une dizaine de jeunes filles de notre République pour les emmener, détenir et leur imposer la séparation de leurs parents, pousse les voyous agents du centre de renseignement pour les emprisonner à jamais dans le repère du diable, pour leur extraire jusque la dernière goutte de sang et en abuser à la confrontation fratricide. Les isolant parfaitement de l'extérieur comme si elle cache ce qu'elle a volé et recourant à la censure de la presse, Park Geun-hye fait bruit de la soi-disant volonté libre, de la soi-disant protection suivant les procédures adéquates et de la soi-disant coutume internationale, et d'autre part, lance des absurdités à leurs parents exigeant la rencontre avec leur fille, que l'on ne peut pas publier leur situation soucieux des familles. Ces derniers jours, elle n'a prêté la moindre attention à la demande juste des avocats progressistes qui représentent les familles des victimes avec le compatriotisme et l'humanitarisme, et les menace au contraire en les traitant comme force servile à l'égard du Nord. Avec toute lâcheté, les fantoches sud-coréens remuent ciel et terre pour amener à la conversion en montrant les images animées pleines de mensonges à nos filles qui protestent au risque de la vie pour leur rapatriement rapide. Park Geun-hye, qui n'a jamais accouché ni élevé un enfant, n'a aucune honte devant son crime contre l'humanité, et cela montre qu'elle ne cause que malheur et calamité à la nation. Si elle a peur d'une malédiction après sa mort, elle doit présenter ses excuses à toutes nos femmes, y compris les mères, et renvoyer sans plus tarder toutes nos filles dans notre République.